poser doucement la mort et tenir un peu les morts. Cela a commencé 4000 ans avant Jésus-Christ. Cette technique thérapeutique de la mort lente. Et la médecine moderne complice en cela la plus sinistre et crapuleuse magie. Par ces morts à l'électrochoc ou à l'insulinothérapie afin de bien chaque jour vider ces haras de leur moi, de les présenter ainsi dit, ainsi fantastiquement disponible et dit d'obscènes sollicitations anatomiques et atomiques de l'état appelé pardon. Livraison du barda de vivre, exigence du non-moi. Pardon et l'âtre de mort, pour lequel le moi tombe en flamme. Il y a l'électrochoc, un état flamme par lequel passe le traumatisé. Il lui donne non plus à cet instant de connaître et d'affreusement et désespérément méconnaître ce qu'il fut quand il était soi. J'y suis passé et ne l'oublierai pas. La magie de l'électrochoc draine un rat. Elle plonge le commotionné dans ce râle par lequel on quitte la vie. Or, les électrochocs du bardo ne furent jamais une expertise. Et râler dans l'électrochoc du bardo, c'est déchiqueter une expérience sucée par les larmes du non-moi et que l'homme ne retrouvera pas. La médecine soignée ment chaque fois qu'elle présente un malade guéri par les introspections électriques de sa méthode. Je n'ai vu, moi, des terrorisés de la méthode, incapables de retrouver leur moi. Qui a passé par l'électrochoc du bardo? Pardon de l'électrochoc ne remonte plus jamais de ses ténèbres et la vie a baissé dans un grand temps.